Qu'avez-vous déposé sur la table, monsieur Rogojin? Un paquet. Et que contient ce paquet dégoûtant? 100 000 roubles. Ah! Vous avez quand même tenu parole, monsieur Rogojin. Alors asseyez-vous ici sur cette chaise, je vous dirai quelque chose tout à l'heure. Rogojin s'installa docilement sur la chaise que Nastassia Philipovna lui indiquait. Mais il ne resta pas longtemps assis. Il avança de 2 pas vers Nastassia Philipovna. Son visage exprimait une angoisse mortelle. Nastassia posa un regard distrait sur lui et se tourna vers ses invités. Voilà, messieurs. Il y a dans ce sale paquet 100 000 roubles. Regardez maintenant l'homme qui l'a apporté. Il a voulu m'acheter cet après-midi pour 18 000 roubles. Et comme je trouvais cette somme plutôt maigre, il m'a offert 40 000 roubles, 50 000 roubles, puis 100 000 roubles. Tout ça s'est passé chez Gabriel Ardalionitch. J'y étais allé pour rendre visite à sa mère, à ma future famille. Mais sa sœur m'a dit que j'étais une catin et elle a craché sur Gabriel Ardalionitch, son propre frère. Nastassia Philipovna, arrêtez-vous, je vous en supplie. Tout cela est trop triste, trop sordide. Quoi, général? Ma confession vous répugne? Que je suis sotte, c'est ma franchise qui vous incommode. Vous qui avez si bien l'habitude de dissimuler vos pensées. Eh bien, souffrez, général, que je vous dise que vous êtes un affreux hypocrite. Vous avez voulu m'avoir avec vos perles, qui ne valent pas grand-chose, d'ailleurs. Je vous préfère ce fils de marchand, Rogojin. Il me désire, lui aussi. Mais ne regarde pas la dépense. Tiens, je m'aperçois que vous m'en voulez toujours, Gabriel Ardalionitch. Vous me regardez avec une belle haine. Et pourquoi, s'il vous plaît? Est-ce que vraiment vous comptiez m'introduire dans votre famille? Moi, la maîtresse de Totski et la future concubine d'un Rogojin? Assez, Nastassia. Assez, ma colombe. Tu te fais mal. J'espère que tu n'as pas vraiment l'intention de suivre ce rustre de Rogojin, malgré ses 100 000 roubles. Il est vrai que c'est une somme. Eh bien, prends le paquet. Et chasse le moujik. Mais je ne souffre pas à cause de lui. Le mal est en moi. Je ne parviens pas à comprendre comment j'ai pu rêver d'entrer dans une famille honorable. Celle de Gabriel Ardalionitch. Il ne dépendait que de vous. Tu prétends que cela ne dépendait que de moi? Tu as peut-être raison. Tu savais que j'étais la maîtresse d'Afanassy Totski. Tu savais que le général Yepanchin m'avait fait cadeau de perles, que je les avais acceptées, et malgré cela, tu es venu ici dans l'espoir que je consentirais à t'épouser. Oh, serait-ce donc vrai ce que Rogojin dit de toi? Que pour 3 roubles, tu irais à 4 pattes jusqu'à Vassilievski Ostrov. Il irait, Nastassia Philipovna. Il irait. Je le jure sur la croix. Je te crois, Rogojin. Mais ne m'interromps pas. Écoute, Gabriel Ardalionitch, si encore tu mourrais de faim, je comprendrais. Et je te pardonnerais. Mais si tu touches un salaire convenable, alors? Tu ne réponds pas, tu as perdu ta langue? Oh, tu me soulèves le cœur. Allez, va, charogne! Oh, est-ce bien vous, Nastassia Philipovna, qui parlez ainsi, vous si raffinée, si délicate? Ce langage grossier, cette attitude. Oh, vous avez raison, général. Je me rends compte maintenant que ma place n'est pas dans ce salon, au milieu de ces beaux meubles et de ces draperies somptueuses, qui ne m'appartiennent pas d'ailleurs. Dès demain, j'irai dans la rue. Là est ma véritable place. Et avant de m'en aller, je lancerai à la figure de Totski tout ce qu'il m'a donné, tout jusqu'au dernier mouchoir. Mais qui me prendra sans rien? Vous, Gabriel Ardalionitch? Même Ferdichenko, que toutes les femmes repoussent, ne s'arrêterait pas pour me ramasser. Je ne m'arrêterai peut-être pas pour vous ramasser. Je suis trop pauvre pour le faire. Mais lui, le prince Mishkin, non seulement il vous ramasserait, mais il vous épouserait. Est-ce vrai, prince? C'est vrai. Tu te marierais avec une femme déchue? Avec une catin, comme m'a appelé la sœur de Gabriel Ardalionitch? Je me marierais avec une femme honnête. Alors, d'après toi, je suis une femme honnête? Vous l'êtes, Nastassia Philipovna, n'en doutez pas. Ces princes, ce sont là des bêtises. D'ailleurs, comment voulez-vous vous marier, vous, un pauvre innocent? Peut-être avez-vous raison, Nastassia Philipovna. Je suis innocent. J'ignore tout de la vie. Et je me sens souvent comme un étranger parmi les autres hommes. Mais laissons cela. Ce que je vais vous dire, c'est que vous me feriez honneur en m'épousant. Et non inversement. Car vous avez vécu en enfer et vous en sortez pur. Pur? Moi? Et vous autres, vous entendez? Vous l'entendez, le pauvre idiot? Il me considère comme pur. Mais je suis une dévergondée, prince. Et je suis sale, jusqu'au fond de l'âme. Vous vous calomniez, Nastassia. Tout ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Alors pourquoi vouloir accompagner Rogojine? Vous avez rendu à M. Totski ses 75 000 roubles. Vous êtes prête à lui abandonner cette maison, ses meubles, ses tapis et jusqu'à vos propres vêtements. Personne à votre place ne ferait une chose pareille. Je vous aime, Nastassia Philipovna. Je ne permettrai à personne de dire quoi que ce soit sur votre compte. Épousez-moi. Nous serons pauvres, mais je travaillerai. Nastassia Philipovna baissa la tête et je ne pus rien lire sur son visage. Triste et désemparé, je poursuivis néanmoins. Qui sait? Peut-être ne serons-nous pas tellement pauvres. Au contraire, nous serons riches. Très, très riches. Très riche, prince? Très riche, prince. Et pourquoi, s'il vous plaît? Très riche, prince. Comment cela? Un miracle? Le coup de baguette d'un magicien, peut-être? Allons revenez sur terre et sachez que l'argent va toujours à ceux qui en possèdent déjà. J'ai reçu avant mon départ de Suisse une lettre de Moscou, d'un certain monsieur Salaskine. Et dans cette lettre, monsieur Salaskine me dit qu'il est possible que je fasse un gros héritage. Mais il délire! Non, général. Il prend simplement ses désirs pour la réalité. Il est fou allié, monsieur. Ne faites pas attention à ce qu'il dit. Pardon, messieurs, vos remarques sont déplacées. Tout ce qui est étrange n'est pas nécessairement irréel. Prince, avez-vous cette lettre sur vous? Oui, je l'ai sur moi. Alors montrez-la, prince. Montrez-la vite, je vous en prie. Volontiers, monsieur Ferdichenko. Je vais vous la montrer. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Marcel Bozufi, Parfen Rogojine, Pierre Noël, Gabriel Ardalionitch, Jean Mercury, Ferdichenko, Davin de Chanclos, Afanassy Totski, Michel Bréhé, Daria Alexeyevna, Paul Ramaroni, Varvara Ardalionovna, avec Pierre Bertin, le général Yepanchin, et Sylvia Montfort, Nastassia Philipovna, musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.